Cinquième partie, chapitre 18 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales, cinquième partie, chapitre 18, trois derniers et principaux avis sur cette instruction. Renouveler tous les premiers jours du mois la protestation qui est dans la première partie, après la méditation. Et dites ce jour-là, à tout moment, comme David, « Non, jamais, ô mon Dieu, je n'oublierai rien de toute votre loi, car c'est en elle que vous avez justifié et vivifié mon âme. Et quand vous sentirez en vous quelque altération considérable, prenez votre protestation en main et proférez-la de tout votre cœur dans une profonde humiliation de vous-même, vous y trouverez un grand soulagement. » Faites une profession ouverte, non pas d'être dévot ou dévote, mais de vouloir l'être, et n'ayez point de honte des actions communes et nécessaires qui nous conduisent à l'amour de Dieu. Avouez hardiment que vous tâchez de vous faire à la méditation, que vous aimeriez mieux mourir que de pécher mortellement, que vous voulez fréquenter les sacrements et suivre les conseils de votre directeur qu'il n'est pas souvent nécessaire de nommer pour plusieurs raisons. Cette déclaration sincère de vouloir servir Dieu et de s'être consacré à son amour de bon cœur est fort agréable à sa divine majesté qui ne veut point que l'on ait honte de son service ni de la croix de son fils. Et d'ailleurs, cela coupe le chemin à beaucoup de mauvaises remontrances du monde et nous oblige encore par honneur à la persévérance. Les philosophes se déclaraient pour philosophes afin qu'on les laissât vivre philosophiquement. Et nous devons déclarer le désir que nous avons de la dévotion afin qu'on nous laisse vivre dévotement. Si quelqu'un vous dit que la dévotion ne demande pas absolument toute cette pratique d'avis et d'exercice, ne le niez pas, mais répondez doucement que votre infirmité est si grande qu'elle a besoin de plus d'aide et de secours qu'il n'en faut aux autres. Enfin, je vous conjure, Philothée, par tout ce qui est de sacré au ciel et en la terre, par le baptême que vous avez reçu, par les mamelles que Jésus-Christ suça, par le cœur charitable dont il vous aima et par les entrailles de la miséricorde en laquelle vous espérez. Continuez et persévérez dans l'heureux dessein que vous avez de mener une vie sincèrement dévote. Nos jours s'écoulent et la mort est à la porte. La trompette, dit saint Grégoire de Nazianz, sonne la retraite, que chacun se prépare, car le jugement est proche. La mère de saint Symphorien, voyant qu'on le conduisait au martyr, criait après lui « mon fils, souviens-toi de la vie éternelle ». Regarde le ciel et contemple celui qui y règne. Te voilà au terme heureux de cette courte et misérable vie. Je vous le dis aussi, Philothée, regardez le ciel, et ne le perdez pas pour la terre, regardez l'enfer, et ne vous y jetez pas pour le plaisir de quelques moments. Regardez Jésus-Christ, et ne le renoncez pas pour le monde, et quand la pratique de la vie dévote vous semblera dure, chantez avec saint François, à cause des biens que j'attends, les travaux me sont passe-temps. Vive Jésus, auquel avec le Père et le Saint-Esprit soit honneur et gloire, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Fin du chapitre 18, cinquième partie.